De se retrouver comme quasiment chaque mercredi soir sur 90.7 pour ceux qui sont dans la région de Bordeaux et sur www.rigfm.fr pour le reste du monde, puisque le monde est à l'écoute de la saga des Fab Four le mercredi soir entre 20h et 22h. L'album de la semaine, c'est Ringo ce soir, avec un album qui s'appelle Stop and Smell the Roses. Évidemment, certains n'aiment pas Ringo en disant il fait que de la daube. Ben, je ne suis pas d'accord. Même si entre la fin, milieu et la fin des années 70, ça a été plutôt très très mauvais, une grosse période de gros creux pour Monsieur Ringo Starr, je trouve qu'en 81, il relève la tête avec cet album Stop and Smell the Roses. On écoutera Rock My Brain, qui a été écrit par George Harrison pour Ringo Starr. On écoutera Attention, on écoutera You Belong to Me, You've Got a Nice Way, Sure to Fall, qui avait déjà été chanté avec les Beatles, mais repris là par Ringo tout seul, et Private Property. Voilà ce qu'il y aura pour Ringo Starr. Il y aura également du Harrison, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour Harrison, par exemple, Lay's Head, la face B du single Got My Mind Set on You de 1987. Pour John Lennon, ce sera You Can't Catch Me sur Rock'n'Roll en 75. Et pour Paul McCartney, une chanson rare, mais il faut, quand Paul sort un album, il faut surveiller les singles parce qu'il met souvent à l'équivalent de face B maintenant dessus, donc des chansons inédites comme par exemple Long Leather Coat sur le single Hope of Deliverance de 93. C'est une chanson qu'il ne fallait pas manquer parce que c'est plutôt très très bien. Et pour les Beatles, il y aura par exemple Nowhere Man tiré de l'album Rubber Soul en 1965. Voilà le début du programme, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous retrouve dans quelques instants sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, sur Maca Club, le groupe aussi La Saga des Fab Four, et identique sur yellowsub.fr. Voici le premier titre, Rock My Brain, Ringo Starr sur RG. Rock my brain, rock my brain. Filled with pain, rack my brain. All dried up, I'm all dried up. All I have is empty cup, all dried up. What I have, you don't want. What you want, I can feel. Rack my brain. While I slowly go insane. voilà Ringo avec ses yeux de chien battu en 1981 et l'inénarrable second degré qu'il met en toute chose, à commencer par les pochettes de ses disques. Celle de Stop and Smell the Roses, son premier album depuis 3 ans, n'est pas des plus contemporaines en ce début des années 80. De fait, elle en illustre aussi bien le contenu. Après une série d'échecs commerciaux, j'en ai parlé tout à l'heure, successifs, Ringo s'est résigné à reprendre la vieille et la seule formule qui lui ait jamais ouvert les portes des hit-parades, réunir même virtuellement les Beatles. Nous sommes au milieu de l'année 1980 et chacun d'entre eux a répondu chaleureusement présent à son appel de détresse, y compris John Lennon qui a récemment repris le chemin des studios. George Harrison lui produit 2 titres, Rack My Brain qu'on vient d'écouter à l'instant, qu'il a spécialement composé à son intention, c'est une ballade enlevée et l'une des plus franches réussites de l'album. Éditée en single, elle ira même jusqu'à faire une légère percée dans les charts. George y joue les guitares électriques et acoustiques et participe au chœur. Tout comme sur You Belong To Me, reprise d'un hit américain de 52. McCartney lui sort l'artillerie lourde. Il produit 3 chansons et passe même plusieurs jours en studio avec Ringo. Il invite le saxophoniste Howie Kazee et les guitaristes Lloyd Green et Lawrence Joubert des Wings. Mélodieuse, rythmée et finement orchestrée, Private Property qu'on écoutera et Attention, les compositions inédites de Paul, sont incontestablement les pépites de l'album. Il incite Ringo à reprendre Show to Fall in Love with You, un titre de Carl Perkins que les Beatles interprétaient à leur tout début à Liverpool, mais aussi durant leur séjour à Hambourg. Tragiquement, la volonté de Ringo à réunir ses 3 frères d'âme ne sera pas exaucée. Alors que John Lennon lui avait écrit 4 chansons et qu'un studio avait été réservé à la mi-décembre pour les enregistrer, un sinistre malade mental mettra un point final au projet sur les trottoirs de New York. Après le décès de John, Ringo n'aura naturellement pas le cœur à les chanter sans lui. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Et pour la suite, eh bien, ce sera dans quelques minutes, avec d'autres titres probablement. Voici venir d'abord Lay's Head de M. George Harrison, puis John Lennon, justement, You Can Catch Me sur RG. Can I tell you that you don't know already? What can I tell you that you don't know already? You can catch me. 1975, l'album Rock'n'Roll de Monsieur John Lennon. 2 ans de gestation, il a commencé fin 73 pour le finir que en 4 jours seulement fin 74, et l'album est sorti en 1975. Un petit peu de mal à sortir, mais sur cet album-là, John renvoie l'ascenseur aux vénérables anciens, ceux qui ont durablement éclairé le chemin de son adolescence perturbée. Il revisite avec une aisance confondante les pièces maîtresses de leur répertoire, faisant ainsi de cet album un impeccable best-of du genre. En éclaireur ravisé, il ouvre la danse avec 2 valeurs sûres, le Bebopalooza de Gene Vincent, suivi de Stand By Me de Benny King. En quelques minutes chrono, la messe est dite et les emprunts suivants à Fats Domino, Little Richard, Chuck Berry, Buddy Holly, etc., etc., ne feront qu'enfoncer le clou comme dans une motte de beurre. L'album est paru seulement 4 mois après Walls and Bridges, ce qui est peu, et il recevra un accueil au départ un petit peu mitigé, mais il ne faut pas bouder son plaisir, c'est un excellent album. Il fait plaisir d'avoir la voix rock et la voix rock'n'roll de John Lennon dans ce bon album de 1975. Voici un autre chanteur qui lui aussi sait être rocker, même si on dit souvent de lui c'est celui qui fait des balades. Voici Paul McCartney sur R.I.G. et Long Leather Coat sur, enfin, dans la saga des Fapoirs en fait. I'm all alone, said she. No one to phone, no one to touch me. On the way, said the man in long leather coat as he started his car. I'm glad you came, said she. You got my note, you understood it. He smiled as he hung up his long leather coat on the back of the door. La danse, mademoiselle Éléonore. ça fait plaisir. Un petit coucou comme ça en passant à des amis qui écoutent depuis l'aéroport, je le sais. Et Elodan en fait partie. Et il y en a d'autres. Il y a également Clément qui écoute alors depuis la région parisienne, je ne sais plus. Il y a Lovely Rita qui écoute depuis Londres, je le sais. Elle a de la chance parce qu'elle peut chanter les chansons des Beatles en direct. Elle est anglaise, elle est responsable du Beatles Magazine. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles, allez voir son site Beatles Magazine sur Facebook, sur Google+, sur Twitter, sur un petit peu partout. Vous saurez tout 24 heures sur 24 et aussi sur les gens qui, comme moi, faisons une émission sur les Beatles. Par exemple, mon ami Michael Honorato de New Jersey qui fait une émission le lundi soir de 22 à 24 pour l'Amérique, dans New Jersey, mais c'est 4 heures du matin pour nous en France. Il faut suivre, mais ça vaut le coup. Il est très sympa et il passe une programmation différente de la mienne, mais on se rejoint évidemment sur beaucoup de choses. Donc, n'oubliez pas, salut Lovely Rita. Il y a également d'autres, il y a Rook, il y a... Oh, je ne peux pas faire défiler toute la page, mais vous êtes nombreux à écouter de plus en plus la saga des Fab Four. Et c'est tant mieux, car nous entrons dans notre 31e année. C'est la 31e année de la saga des Fab Four. Et j'adore ça, je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Est-ce que je tiendrai 30 ans de plus? Ça m'étonnerait. Voici les Beatles, en 1965, sur... alors moi, je vous ai choisi l'album Robosoul, mais je crois que c'est la version des USA. Voilà, c'est l'album Yesterday and Today, la version mono, avec Nowhere Man sur RG. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Bien, l'album de la semaine, c'est Stop and Smell the Roses. Il y a peut-être par rapport à son passé de quelques années auparavant, là je vous ai parlé de fin des années 70, une chanson absolument minable sur cet album-là que je ne passerai pas, c'est Drumming is My Madness. Ça partait peut-être d'un sujet second degré, mais celle-là elle est pas bonne. Par contre le reste c'est plutôt bien. Écoutez la chanson que lui a proposé Paul McCartney, voici cette chanson-là, c'est Attention sur RG dans la saga des Fab Four. We'll be right back.

falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. I've Just Seen a Face, c'était une mélodie que Paul jouait au piano depuis très longtemps. Il l'a jouée lors des réunions de famille à Liverpool et sa tante Jean l'aimait tant qu'elle l'avait baptisée Auntie's Jean Theme. L'orchestre de George Martin en enregistrait une version instrumentale sous ce titre. La tante Jean était la plus jeune sœur de Jim, le père de Paul, et apparut plus tard dans les paroles de la chanson Let Them In, enregistrée par les Wings, le groupe post-Beatles de Paul. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson-là, mais qui date de 1965, et qui est une très bonne chanson. Elle est sortie, figurez-vous, sur Help, bien entendu, pour la version européenne, mais si vous l'aviez eu en version US, elle n'est sortie que sur l'album Rubber Soul, le 6 décembre 1965. Et oui, allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Allez, la suite de la saga des Fab Four, eh bien, c'est George Harrison, vous l'aviez deviné. A pirate's life for me. All my friends are pirates and they sang the BBC. I got a Jolly Roger, it's a black and white and fast. So get out of your skull and crossbones and run it up your mast. Well, yo, and ha-ha-dee-hee-ha-ha. I don't know what you are. Get out of your skull and crossbones, run it up your mast. All together I like to be a pirate's life for me. And all my friends are pirates and sail the BBC. Got a Jolly Roger, it's a black and white mast. So get out of your skull and crossbones, run it up your mast. Je vous fais grâce du reste, surtout que le son est plutôt assez mauvais, mais c'est enregistré sur une émission de télé dans laquelle évidemment George Harrison devait soi-disant chanter la chanson My Sweet Lord, et puis ça devient The Pirate Song. C'était, je crois, avec ses copains les Monty Python, il me semble bien. Mais je peux pas vous laisser comme ça, parce que quand on a eu envie d'écouter My Sweet Lord, et ben on l'écoute vraiment. La voici, cette chanson, mais en version démo sur RIG. My Sweet Lord. Oh,

sympathique, tiré de l'album Stop and Smell the Roses de 1981 de Ringo Starr. Et j'ai voulu, dans cette saga, la numéro 224, il me semble, je pense la pas l'avoir dit au début, j'ai voulu vous proposer quelques chansons relativement rares, tout comme par exemple, c'est la George Harrison Week, George's Week actuellement, et des artistes comme Paul Simon, par exemple, sont allés sur scène dans un show pour chanter des chansons de George Harrison. Paul Simon, par exemple, a repris Something récemment, ou alors c'est Comes the Sun. Je ne sais plus. En tout cas, il l'avait fait avec George Harrison en 1976 sur un Saturday Night Live. Voici cette version de 1976, George et Paul Simon, pour Here Comes the Sun, sur RIG. Ladies and gentlemen, my friend George Harrison. Mais oui, j'aurais aimé pouvoir dire ça aussi. Here comes the sun. Here comes the sun. It's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. The sun, I say, it's all right. Little darling. again, the smiles returning to their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun. I say, well, it's all right. Slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun. I say, it's all right. Here comes the sun, here comes the sun. It's all right. It's all right. sur Maca Club, il y a comment s'appelle-t-elle, Penguin d'ailleurs justement, qui dit For No One, une des plus belles. Je viens d'écouter un bout de Drumming Is My Madness, et en effet, quelle rengaine. Je suis revenu sur la saga pendant For No One, elle m'a semblé encore plus belle que d'habitude. C'est bien, tu as raison, mais c'était pas là-dessus que je me suis trompé. Je pense qu'elle avait dit aussi que juste avant il y a eu Here Comes the Sun et enchaîné sur Penny Lane. Je pense que c'est ça que je voulais lire, mais je suis pas tombé sur la bonne page en tournant sur mon ordinateur. Je m'en mêle, c'est pas grave, je rame, ça n'est pourtant pas l'album de la semaine. Allez, la suite de la saga, tiens, en 69, John Lennon dit j'en ai marre, les Beatles ça m'agace, je me barre, et il va faire le Live Peace in Toronto. Et Paul McCartney dit ouais, mais non, arrête, c'est pas bon, on va faire autre chose, là, Let It Be, là, le projet Get Back, ok, mais on va en faire un dernier, on va faire Abbey Road, et puis ça va bien se passer, allez, oublie ça, on va encore faire quelque chose, et John Lennon dit, bon, bah, ok, allez, je dis rien, je quitte pas les Beatles. Et puis, en 1970, en avril, c'est McCartney qui jette l'éponge en disant, bon, il y en a marre, je me casse, et il fait une fausse interview sur son premier album solo, qui dit, est-ce que vous allez rejouer avec les Beatles? Non. Et là, John Lennon, il a, oui, est-ce que c'est les Coronets, là, il a un petit peu, il se dit, c'est moi qui ai créé les Beatles, c'était à moi de terminer les Beatles. Alors il va faire une chanson pour ça. Et dans cette chanson, il dit, ben, en gros, je suis revenu de tout. Je ne crois plus en ça, je ne crois plus en ci, je ne crois plus en ça. Et à la fin, je ne crois plus aux Beatles. C'était John Lennon qui conclut à sa manière l'épisode Beatles en disant, le rêve est terminé. Voici God sur RG. By which we measure our pain. I'll say it again. We measure our pain, yeah, pain, yeah. I don't believe in magic. Don't believe in I Ching. John Lennon écorché en 1970 sur son premier album solo post-Beatles. L'album s'appelle Plastic Ono Band. On retrouve Paul McCartney et Michael Jackson il y a 30 ans déjà, 31 ans exactement, sur l'album Pipes of Peace. Voici The Man sur RG. Life so well. Ooh, there's such a man. His thoughts you can never tell. Ooh, and it's just the way he thought it would be. 'Cause the day has come for him to be free. Then he laughs, he kicks, then rolls up his sleeves. I'm alive and I'm here forever. This is the man. Voilà, c'est vrai. Alors Clément dit qu'il préfère cette version-là à Say Say Say. Bah pourquoi pas, moi j'aime les deux. Mais cette chanson-là, The Man, n'a pas beaucoup été exploitée par les radios. Et c'est dommage parce que c'est plutôt très sympa. Et McCartney avait encore une très très très belle voix. Voici quelqu'un qui a une voix à peu près la même d'ailleurs. Sa voix ne semble pas vieillir. C'est Ringo Starr en 1981. Et son album Stop and Smell the Roses. Sur cette chanson-là, je crois qu'il y a ou David Steele ou Crosby, Stills, Nash. Je crois que c'est Stills. Ou alors c'est Crosby qui est dans les chœurs et qui fait un petit peu un truc assez sympa. Voici You've Got a Nice Way sur RG. Écoutez cet extrait de l'album de la semaine et je vous dis, c'est un bon album à part Drumming Is My Madness qui est franchement mauvais. looking for trouble soon as it would start. Then there was you there, loving me, waiting for me to get smart. You got a nice way of believing in me. You got a nice way of telling me so, so I know. You got a nice way of believing in me. You got a nice way. Child, all you gotta do is look at me, nothing I can do but smile. Back a few years ago, I was blind, now I can see 4 miles. Baby, you saved me, loving me, will you stay for a while? You got a nice way. L'interactivité sur Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque pendant la chanson, Rook me précisait sur Facebook que c'est Stephen Stills qui était à la guitare, à la lead guitar, et Lovely Rita, elle, mettait carrément les paroles. « You've got a nice way of believing in me, you've got a nice way of telling me so, so I know », etc., etc., etc. Donc, tout le monde s'amuse, et c'est très, très bien. Je vous propose en 17e chanson, il est 21h10, la cover de la saga. La cover, cette fois-ci, elle n'est pas encore sortie, mais ça ne va pas tarder. L'album s'appellera The Art of McCartney. Il y a des vedettes qui se sont réunies pour rendre hommage à Paul McCartney. C'est très très bien. Et notamment le petit fiston, James McCartney et les Cure pour ce morceau, Hello Goodbye sur RIG. C'est pas encore sorti, mais je vous conseille de vous le procurer bientôt. Je le ferai moi, parce que ça va, ça semble être très très très bon. Say yes. I say go, go, go. Oh no. You say goodbye and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello.

1982 sur l'album Tug of War de Stevie Wonder et Paul McCartney se réunissent d'abord pour Ebony and Ivory dans le style de Paul McCartney et pour cette chanson aussi dans le style de Stevie Wonder. Évidemment, Paul McCartney, grand caméléon qu'il est, se glisse sans aucun problème dans la peau du style de Stevie Wonder et pour nous faire cette belle chanson What's That You're Doing. En 1991, George Michael sortait une chanson qui s'appelait Heal the Pain. En 2008, il réenregistre cette chanson à l'occasion d'un best-of et il demande à Paul McCartney de venir chanter avec lui. Ça enjolive encore plus la chanson qui est jolie. Et voici Heal the Pain, Paul McCartney et George Michael sur RIG. To your heart, son. j'adore cette chanson. Heal the Pain de George Michael et Paul McCartney en 2008 sur l'album, je l'ai marqué quelque part, l'album 25, qui est un best-of de George Michael. Voici l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Stop and Smell the Roses de Ringo Starr. Et cette chanson, donc, comme je l'ai dit en tout début d'émission, reprise par les Beatles en leur temps et reprise par Ringo Starr en 1981. Le style country que Ringo Starr affectionne et qui lui va très très bien. I'm sure to fall in love. I'm sure to fall in love with you. Qui sont en train de par exemple Ringo est en train de taper tranquille et puis ils discutent en même temps, voilà, c'est dans, autour d'un pub sûrement, hein, quand même, un truc comme ça. Allez, un autre duo. En 1974, Elton John regarde dans la liste de chansons qu'a fait John Lennon pour son nouvel album Walls and Bridges et il lui dit Whatever Gets You Through the Night, ça va être une chanson qui va faire un hit. John Lennon n'y croit pas trop et pourtant ça a marché comme ça. Il avait dit, Elton John avait dit à John Lennon, si ça marche, tu montes sur scène avec moi parce qu'on t'a pas vu depuis un moment et tu verras, ce sera bien. John Lennon est un homme de parole. En 1974, il monte sur scène pour chanter quelques chansons dans le spectacle d'Elton John, dont celle-ci, Lucy in the Sky with Diamonds, sur RIG. Et c'est extrait de l'album Here and There, sorti en 1976 de Elton John.

scoop. Back, back, back. But I say it just to reach you, Julia. Julia. Julia. Ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Shell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Her floating sky is shimmering, glimmering. Speak my mind, Julia. Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me. So I sing a song of love, Julia. Sing a song of love for Julia, Julia, Julia. La chaise grince, je vous la fais écouter en direct. Voilà, la chaise grince. On se dépêche un petit peu parce que le temps passe et il ne reste plus que 10 minutes d'émission et je voulais simplement vous dire que c'est aussi ça, une autre facette de John Lennon, le Lennon doux, le Lennon capable de faire des ballades très très sympas, comme cette chanson de Julia en 1968 sur l'album, le White Album tout simplement. Voici le dernier extrait de l'album Stop and Smell the Roses de 1981 de Ringo Starr et cette chanson Private Property sur RG. Breaking the law, love monopoly, my philosophy, don't go fooling with private property. She's mine, she belongs to me, and we'll get on fine as long as you agree that she's mine, private property. Private property. Private property. Don't run after it. You'll be facing a charge. Have some common sense. You get off the fence. Don't go fooling with private property.

si vous me faites regoûter au retard habituel que je faisais avant, ça va être dur. Merci Eric de m'avoir accordé un tout petit peu de temps en plus parce que j'avais annoncé l'été de billes, il fallait quand même que je la passe. C'est même pas prêt. Bon, bah alors on va continuer encore. Très bien. Merci à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais plus qui sera l'album de la semaine. Il est déjà préparé, mais ce sera bien. Ce sera bien. Bisous aux filles, poignement garçon. Merci d'avoir suivi. Et puis restez là. Maintenant, il y a Johnny de A à Z et ça va être fabuleux, comme d'habitude. À bientôt.